Askip, je suis un effet de mode, mais mes liens sont empilés. Aujourd'hui je suis riche, demain je suis on, moi quoi bon c'est éphémère. Les bagarres de groupe, les terrains de rock, c'est sur nos petits qu'on déteint. J'étais pas sûr, là y'a plus de doute, je ne peux plus perdre de temps. J'avais des rêves comme tout le monde, mais là-bas à fumer mes crampons. T'as pas de magie, petit frère dans la vie, tu deviens ce que tu fréquentes. Et quand dans ma tête tout est confus, auprès du très haut je me confesse. Nous on a fait la guerre, ceux qui ont pas fait la guerre ne connaissent pas le coup de la paix. J'ai créé des combats dans la cité. Pour ça personne m'a félicité. Cité. Je l'ai fait par nécessité. Subis la vie de la cité. Cité. Rien que je traîne dehors, mais dehors c'est trop la crise. Maman veut de l'or, donc dehors je suis au charbon. Mais putain dehors, trop d'hypocrites pour la bise. Ma mère veut de l'or, dehors je bâtis son abri. Je reviens de mon pote, j'ai trop de mépris. Peu de personnes m'éprouvent. Aller-retour, quatre bâtiments, mais le bénéfice fur ma peur. Midi, minuit, forfait bloqué, impossible de le résilier. On a la peau sur les os, mec, impossible de se résigner. Faut que je me pose des questions. Mais où commence un arc-en-ciel? J'achète les récits sous la 45. J'réfléchis mieux quand je suis tout seul. Faut pas cracher sur la main. Ce qui t'attèche, ta bonbonne. Nous on a fait la guerre, ceux qui ont pas fait la guerre ne connaissent pas le goût de la paix. J'ai créé des combats dans la cité. Pour ça personne m'a félicité. Cité. Je l'ai fait par nécessité. Subis la vie de la cité. Cité. Rien que je traîne dehors, mais dehors c'est trop la crise. Maman veut de l'or, donc dehors je suis au charbon. Mais putain dehors, trop d'hypocrites pour la bise. Ma mère veut de l'or, dehors je bâtis son abri. Faire du sale, que du sale, y'a la grinta, j'suis pas seul. Et tout est calé, j'ai la conscience. J'ai créé combat dans la cité. Pour ça, personne m'a félicité. Cité. Je l'ai fait par nécessité. J'subis la vie de la cité.